Ça, c'est difficile parce qu'il faut traduire complètement la chanson. Je crois que le public il doit me demander des petites choses qui ne font pas beaucoup travailler la tête parce que je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais appris le français, tu vois, alors. Et la chanson qu'on vient de jouer, c'est une chanson pour saluer la Vierge le jour de Semana Santa. En intérieur, avec les rythmes très brillants, c'est une chanson de Noël. Les chanteurs de cueca là-bas au Chili, ils n'ont besoin pas toujours une guitare pour jouer la cueca. La cueca, c'est la danse typique nationale chilienne. Il y a des chanteurs que mais je ne sais pas comment ils font le tambour aujourd'hui. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Non, un petit moment, deux minutes. Oui. Ah non, je vais jouer ici. Thomas, prête-moi la guitare. Alors, je vais remplacer le tambour pour la guitare. Les chanteurs qui jouent pas la guitare, qui jouent pas la cueca avec la guitare, ils tapent l'accompagnement comme ça. J'ai arrivé à avoir plusieurs formes d'accompagnement. Alors, il veut chanter une cueca de les ouvriers qui font les bâtiments. Et c'est une cueca qui parle de sa vie. Et malgré que les Chiliens sont très pauvres, ils sont toujours contents, ils sont toujours en esprit. Je ne peux pas parler. Généralement, on tape comme ça la guitare. Tu veux là? Mais il y a des chanteurs qui jouent l'accompagnement très bien double. Il y a les femmes aussi qui accompagnent comme ça la guitare, et doucement. Il y a aussi les ivrognes qui ne veulent pas beaucoup travailler, mais les femmes ils le font comme ça seulement. Alors, comme j'ai l'habitude de faire ça, je mélange tous les accompagnements et ce sont des choses. Danemark, qu'il y a ici quelqu'un qui comprend bien l'espagnol. Et on peut le demander de traduire, la chanson. Qui c'est qui a? Parce que c'est très gai cette cueca que je viens de chanter. Et elle a ri, je crois. Alors, si. Je préfère que tout le monde soit content. Je peux dire. En el cuarto de la Carmela. En el cuarto de la Carmela. Habitan muchos ratones. Se descuida la Carmela. Carmela, ¿te pasa atención? Le roban los pantalones. Muchos ratones. Muchos ratones, Carmen. Hay en tu cuarto. Deja la puerta abierta. Yo seré el gato. Yo seré el gato, cabeza negra. Para que no se dé cuenta. La vieja suegra. La vieja suegra. Merci, monsieur. Alors, quoi, Marocine? Yeah.